quatrième et dernier temps de notre série d'émissions sur la guerre de 30 ans. Aujourd'hui, le documentaire signé Olivier Chaumel et Marie-Laure Ciboulet. Depuis lundi, nous vous avons raconté l'histoire de ce très long conflit qui a ensanglanté l'Europe du 1er XVIIe siècle. Nous avons tenté de démêler, si c'était possible, et est-ce donc possible, ce qui ressortissait des raisons religieuses et des raisons politiques de cette guerre. C'était mardi, puis hier, nous nous sommes approchés des décisions prises lors des traités de Westphalie qui concluent cette longue période d'affrontement. Ce matin, le documentaire d'Olivier Chaumel et de Marie-Laure Ciboulet nous raconte l'anéantissement d'une ville lorraine pendant la guerre de 30 ans, La Motte, une ville sur une colline à la frontière de ce qui était alors le duché de Lorraine et le royaume de France, qui fut rasée après plusieurs sièges militaires sur ordre de Mazarin. Preuve, s'il en fallait une, que cette guerre de 30 ans nous concerne et fait partie des grands conflits européens auxquels notre pays a été partie prenante. Jusqu'à 10h ce matin, Sigy La Motte d'Olivier Chaumel et de Marie-Laure Ciboulet, et grâce à la très belle prise de son de Florent Layani, les oiseaux chanteurs de l'actuelle colline de La Motte, qui fut autrefois une bruyante et florissante cité de commerce, avec les témoignages et les analyses de Robert Chevalier, Gilles Laporte, François d'Épinal, Fabrice Fontaine et Laurent Jalabert. Je vous présente donc une maquette de l'ancienne cité de La Motte, parce que cette maquette-là a été faite par les collégiens de Nogent-Bassigny. C'est fait avec du bois de cagette. C'est du bois de cagette, oui. Alors la ville, bon, là c'est l'ancien château, il y a un monument actuellement. Alors nous irons faire un tour sur le site, nous irons passons ici, nous irons vers le bastion Saint-Nicolas qui se trouve ici. Nous remonterons après dans la ville, puisque là on est en dehors de la ville, on remontera dans la ville où il y a le moulin à vent et on descendra dans la rue principale pour aller vers l'église qui se trouve ici. Il y avait combien d'habitants dans cette ville? Il y avait 3500 habitants. Alors voilà, les canons étaient installés sur cette colline-là, la colline de Fréau qui se trouve en face de nous. Et au-dessus, là où c'est pointu, il y a encore l'emplacement où étaient installés les canons. Mais c'était pas boisé à l'époque ou... C'était pas boisé, non. On peut se dire, Gilles Laporte, que des visiteurs de hasard peuvent se promener là où nous sommes sans soupçonner la présence ancienne d'une ville importante. Oh, je le pense, oui, parce que c'est un lieu de promenade agréable, oui, qui offre des perspectives intéressantes de certains endroits de ces élévations. Donc oui, c'est une balade agréable qu'on peut faire en ignorant complètement son histoire. Quand on est sur ce chemin forestier, qui était la rue principale de La Motte, on a du mal à imaginer qu'autrefois, on circulait entre les façades de maisons qui donnaient sur cette rue et qui rendaient cette rue très très vivante, très animée. Mmh. On entend des carrioles sur le pavé. En faisant un petit effort d'imagination, on peut entendre les pas des chevaux, les roues des chariots sur les pavés. On peut, oui, mais en faisant preuve de beaucoup d'imagination. Vraiment. Il y a encore des traces du plan de la ville, Robert Chevalier, des rues et... Oui, on va y arriver. Ouais. On va arriver vers le moulin avant. Là. Sigy, La Motte, 1258-1645. Olivier Chaumel, Marie-Laure Ciboulet. De cette ville, de cette forteresse, que reste-t-il aujourd'hui? Absolument rien. De tous les édifices, il ne reste plus pierre sur pierre. La destruction a été complète. Il faut savoir qu'autrefois, sur cette colline, se voyait une ville élégante et forte. Le plateau resta nu et désolé durant plus de 200 ans. Mais en 1863, les communes de Soulaucourt et d'Outremécourt ont été contraintes par l'État d'y faire une plantation de sapins. Les arbres ont poussé, et aujourd'hui, c'est à peine si l'on distingue les vestiges de ce qui fut, jusqu'au XVIIe siècle, une cité fortifiée. Mais rien n'était plus curieux, il y a seulement quelques années, que de parcourir ce désert, lorsque le sol portait encore l'empreinte de l'ancienne ville. Le pavé des rues était demeuré intact, et il suffisait de gratter l'herbe pour le retrouver. On pouvait ainsi reconstituer aisément dans sa pensée le plan de la motte, dont il ne demeurait que des substructions indiquant çà et là, par leur voûte à demi effondrée, la place des caves. De vastes fouilles creusées dans le tuf révélaient la place des principaux édifices, et quelques pans de murs adossés aux rochers permettaient de suivre encore, sous la ronce ou le lierre, soit le pourtour des remparts, soit le tracé des anciens bastions. Dans un court rayon autour du site, on aperçoit des panneaux qui indiquent la direction de l'ancienne cité de la Motte, avec le logo des monuments historiques. C'est assez énigmatique. Si on parvient à suivre le fléchage sans le perdre jusqu'au bout, on se trouve en haut d'une butte au versant très pentu, d'où la vue porte loin, et à l'orée d'un taillis épais. Mais où se cache-t-elle cette fière cité disparue ? Nous sommes aux limites de la Haute-Marne et des Vosges, c'est-à-dire à la charnière historique entre le royaume de France et l'empire germanique. Et la Motte, la ville martyre en question, dissimule dans les bois le sort tragique qu'elle a connu au XVIIe siècle, lors d'un épisode de la terrible guerre de 30 ans. De ci de là, le long d'un chemin parmi les noisetiers, sous les herbes folles, le promeneur attentif distingue un tronçon de chaussée pavée, quelques pierres maçonnées, un bout de mur, les traces d'un bâti ancien dont il serait bien en peine de deviner la destination première. Dans ce lieu trépassé, sans doute un peu maudit, quelques opiniâtres explorateurs et investigateurs associés parviennent à faire parler les vestiges enfouis. Eux savent reconnaître la trace d'une demi-lune dans un escarpement inaccessible ou la géométrie d'un bastion dans le fouillis des broussailles. François d'Épinal, on va démarrer ? On va y aller. Vous prenez le volant ? C'est plus simple. Voilà, donc depuis ici, vous voyez la Motte, elle est là-bas. Au nord. Et c'est pour ça que je vous ai amené par ici. Et là, vous voyez très bien la colline de la ville et aussi la colline d'à côté, qui n'est pas anodine du tout, parce que c'est en se mettant sur la colline d'à côté que les Français ont pu envoyer des obus, enfin des boulets sur la Motte. Des projectiles d'hiver. Voilà. Avec les moyens qu'on a à l'époque. D'ailleurs, dans le coin, il y a un dicton qui dit « Si Fréault n'avait pas le cul si haut, jamais la Motte n'aurait le cul de Réau. » Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu Fréault, eh ben, les bombes n'auraient jamais pu atterrir sur la Motte et jamais le siège aurait pu aboutir. Et c'est un dicton de Lorrain, du coin, et qui se dit en Lorrain. Donc, vu de loin, voilà ce que ça donne. Quand on considère la situation de la Motte, il ne faut pas longtemps réfléchir sur la fin de sa construction pour savoir que, bornant les pays de Lorraine et Barrois du côté de la Champagne et le duché et comté de Bourgogne, elle devait servir de rempart contre les entreprises de si puissants voisins. C'est un vieux proverbe qu'il est bon d'avoir le français pour ami et jamais pour voisin. Vous pouvez nous faire une description physique du paysage, Fabrice Fontaine ? Ben là, à l'heure actuelle, donc, on est sur une colline qui est boisée. À la base, cette colline, évidemment, elle ne l'est pas. Hein. Au XIIIe siècle, quand on décide de fortifier, et ça, c'est sur l'initiative du comte de Bar, d'ailleurs contre toute autorisation, hein, on a affaire quand même à un site qui est vraiment, géostratégiquement parlant, très intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'il est à côté d'une voie commerciale majeure. La seconde, c'est qu'on est aux confins de trois entités territoriales, on est en pleine féodalité, les puissants commencent à s'affronter, ou en tout cas essayer de s'imposer les uns aux autres. Et donc, quand vous avez une butte qui culmine à un peu plus de 500 mètres d'altitude... Les versants sont raides, donc ça veut dire qu'on a déjà une fortification naturelle, mais qu'il ne reste qu'à améliorer sur entreprise humaine. Et quand on a également un plateau qui fait 32 hectares, ça laisse de belles possibilités pour quiconque veut fortifier, et quiconque arrivera à le faire ou s'autorisera à le faire, ça représente un solide placement immobilier, c'est certain. On a déjà quelque chose à cette époque, d'ailleurs la Motte ne s'appelle pas la Motte, mais Saint-Hilaire-Mont. Simplement maintenant, on va prendre la décision de fortifier, et pour être sûr derrière qu'il y a un réel peuplement qui s'en suive, pour favoriser les choses, le comte de Bar va accorder une charte de franchise aux habitants, ce qui fait que ça devient en plus intéressant, fiscalement parlant, de s'y implanter. Donc pour le coup, oui, ça explique pourquoi la Motte va se peupler et va connaître le destin qu'on lui connaît. Certes bref, hein, entre le Moyen-Âge et le XVIIe siècle où elle disparaît, mais destin quand même. Et assez illustre en tout cas pour les Lorrains, c'est certain. Gilles Laporte, c'est curieux ces endroits où il n'y a d'abord rien eu, et puis on y a installé une ville de toutes pièces au XIIIe siècle. Et puis, quatre siècles plus tard, ça retourne au néant. Elle a toujours été occupée, cette butte, parce que elle occupe une position stratégique considérable entre la Bourgogne, les États du Nord, qui étaient les États des Habsbourg, et puis c'était une zone de passage entre l'Est et l'Ouest, aussi très importante. C'était un carrefour. Et dès le Xe siècle, elle a été peuplée, elle a été occupée. Et puis, le duc de Lorraine a vu que cette position stratégique lui était très très utile, parce que c'était la pointe avancée de son duché, qui était un duché souverain et indépendant, face à la France d'un côté, à la Franche-Comté de l'autre. Et puis le comte de Bar s'y est intéressé, il a fait fortifier encore davantage cette place forte, et puis quand elle est revenue dans le giron lorrain, elle a été, une fois de plus encore, par Chrétienne de Danemark notamment, complétée en matière de fortification. Donc elle est devenue, après la prise de Nancy par les Français en août 1633, la capitale de Lorraine, puisque c'est ici que le duc Charles IV avait fait transférer toutes les archives ducales, qui étaient la preuve de la souveraineté et de l'indépendance de l'État lorrain. Et un an plus tard, les armées françaises mettaient le siège devant la butte. Évidemment, vous comprenez fort bien que le roi de France n'a pas pu supporter que, ayant éliminé la famille ducale de Lorraine de Nancy, elle vienne s'installer dans une autre place forte, celle-là réputée imprenable. Qu'est-ce que la Lorraine au XVIIe siècle, Laurent Jalabert ? La Lorraine au XVIIe siècle, c'est un espace très complexe pour nos yeux contemporains. Parce qu'on a une vision très hiérarchique et très rationnelle de l'espace et de la gestion d'un territoire. À l'époque, vous avez un morceau vers le nord, les anciens Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire de Thionville, Montmédy, etc. Ça appartenait aux Espagnols. On y parlait français, etc., mais ça appartenait aux Espagnols. Ça basculera plus tard dans le giron français. Vous avez des terres d'empire qui sont enclavées et qui ne dépendent que de l'empereur et de l'empire. Et vous avez également alors ce qu'on appelle les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun, qui sont l'outil de pénétration des Français dans l'espace lorrain, parce que suite à ce qu'on appelle la chevauchée d'Austrasie, le voyage d'Allemagne d'Henri II de France, en 1552, la France met la main dessus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, les Français mettent la main sur des villes que l'on va fortifier. Ils mettent la main surtout progressivement sur un temporel, c'est-à-dire le temporel de l'évêché. C'est pas du tout religieux, c'est une seigneurie, si vous voulez. Donc il y a une sorte d'enserrement, comme ça, de certaines possessions. C'est assez intéressant. Donc c'est vraiment un outil de pénétration. Et vous avez, à côté de ça, bien sûr, les duchés lorrains. Alors, le duché de Lorraine, à proprement parler, qui est à peu près cohérent territorialement parlant, et Nancy, évidemment, hein, ça remonte très au nord. Et vous avez le duché de Bar. Le duché de Bar qui est coupé en deux. Vous avez le barois mouvant et le barois non mouvant. Alors là, généralement, les étudiants adorent quand on leur parle de ça, parce que le barois mouvant, c'est celui qui est dans la mouvance de France depuis le début du XIVe siècle. Le duc de Lorraine, pour bénéficier de la totalité de ses droits sur cette terre-là, il doit prêter hommage au roi de France. La conséquence, c'est que le roi de France considère que ça lui appartient. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. On est dans les discussions de type féodal, si vous voulez. Et vous avez le barois non mouvant, avec Saint-Miel, sa capitale sur la Meuse. Et là, vous avez un secteur, donc c'est vraiment le secteur vraiment lorrain en quelque sorte. Voilà, donc depuis plus loin, voilà ce que ça donne. Alors, c'est le point culminant du secteur, là-bas ? 506 mètres, oui. 506 mètres du côté droit. C'est la première colline à plus de 500 mètres depuis la mer. On a beaucoup de Hollandais qui viennent en vélo, qui remontent la vallée de la Meuse, et donc ils atterrissent la source de la Meuse, et un peu plus loin, là, derrière nous, à 30 km. Pour eux, c'est la première colline à plus de 500 mètres. Ici aussi, on est en Haute-Marne, mais on est encore en Lorraine. Et la Lorraine, ça se termine derrière la côte, là, avec la vallée de la Meuse. D'un côté, c'est la Lorraine, de l'autre côté, c'est la France. Enfin, c'était. Et cette situation à la frontière était déjà la source des problèmes au XVIIe siècle, oui, pour la Motte. Et ben c'est ça le sujet. La destruction de la Motte ne vient que de ça. À l'époque, c'est Chrétienne de Danemark qui s'est mariée avec le duc de Lorraine de l'époque. Et elle était plutôt orientée vers l'Empire romain germanique. Chrétienne de Danemark va commencer de fortifier. Évidemment, le roi de France, Henri II, avant de la chose. Et au moment donné où on va convoquer une entrevue, Chrétienne de Danemark est quand même très fine, qui est très habile. Hein. Le matin même où elle part pour l'entrevue, va faire convoquer à ses côtés un tabellion et des témoins, de manière à faire acter le matin même que, de toute façon, toute concession qui serait obtenue par le roi de France pendant l'entrevue serait forcément obtenue par la contrainte ou par la force, ce qui fait qu'elle peut se permettre d'aller à l'entrevue en toute quiétude, elle peut accepter d'accorder tout ce qu'elle veut, c'est invalidé d'office, en amont. Donc forcément, les fortifications continuent, on est à la fin du XVIe siècle. C'est plein de ruses, hein, cette histoire. C'est un leitmotiv vraiment récurrent, hein. On le retrouvera d'ailleurs aussi avec le duc Charles IV, hein, qui va passer son temps à faire ce genre de ruses, de non-respect, je fais attendre, je botte en touche, et puis finalement, à force de ruse et de non-respect des engagements pris, c'est ce qui va causer la perte de la Motte. Ça, il faut en être conscient. Les Lorrains, en fait, vont décider vraiment de fortifier, de bastionner, en fait, de moderniser à la mode, vraiment, ce qu'on appelle à l'italienne, mode italienne, donc du bastion au XVIe siècle, parce que justement, ils veulent affirmer sur la frontière leur indépendance à la guerre de la France. Alors là, la France a vu d'un mauvais œil ce développement de bastions, parce qu'ils se rendaient bien compte que c'était face à eux. Et ils vont tenter un peu de freiner, mais ils n'y parviendront pas, le bastionnement qui, grosso modo, est entièrement accompli au début du XVIIe siècle. Alors qu'est-ce qui va sceller le sort tragique de cette ville, Laurent Jalabert? Alors déjà, le duc l'a pensé lui-même imprenable, la preuve en est, c'est que quand on y vient, lorsqu'il y a les problèmes avec la France, il va y déposer les archives de l'État, l'archive ducale. Et ça, c'est un signe qui pensait que c'était imprenable. Mauvais calcul, mais ça, il ne pouvait pas le savoir. On est en 1634, le duc Charles IV ne montre pas assez de signes de fidélité, on va dire ça comme ça, envers le roi de France. Et on a un motif, c'est Charles IV n'a pas mis le genou à terre devant le roi de France, et donc il y a défaut d'hommage, c'est fin juillet 1633, et la machine est lancée, les Français vont s'occuper du cas de la Motte, tout simplement, et donc c'est là que vous allez avoir le siège avec le maréchal de la Force, donc on a des gravures, on vient poser le siège devant la Motte. Les choses se mettent en place en gros en mars, ça va durer jusqu'au début de l'été, c'est une forme d'asphyxie en quelque sorte. Le bourdonnement qui accompagnait les bombes était le signe assuré d'un effet inévitable. Mais comme il est difficile d'éviter le coup d'une flèche déjà sortie de la main de l'archer, quoiqu'en fendant l'air, elle fasse assez de bruit pour nous avertir de son approche, de même aussi, quoique le bruit sourd qui était attaché au tournoiement de la bombe, devançant toujours sa chute, fût le pronostic qui nous avertissait de notre mal, si est-ce que nous n'avions point de retraite qui ne fût dangereuse et de remède qui ne fût inutile. Plusieurs, cherchant leur assurance dans quelques coins retirés, y ont rencontré les éclats d'une grenade crevée qui leur ont emporté un bras ou autre partie du corps. D'autres, croyant s'éloigner d'un tel coup, trouvaient que le lieu même de leur fuite était la chute de la bombe, qui tantôt étouffait la personne par la puanteur de son soufre ou par l'épaisseur d'une fumée tout empestée, tantôt par l'action d'un feu fort subtil, après avoir mis en morceaux et en cendres l'habit, le chapeau, la chemise et les souliers, attachait ses flammes au corps des personnes qu'elle rencontrait, leur ôtant avec leur habit toute figure d'homme, et imprimant toujours sur quelques parties de leur corps des traces ineffaçables de ces flammes. Alors les canons tiraient sur la ville. On a retrouvé dernièrement un boulet, il y a une dizaine d'années, ça pesait 15 kilos. Ça faisait donc des dégâts sur les toitures. Et il y avait aussi à l'époque un ingénieur anglais qui avait inventé des bombes incendiaires. Elles ont été utilisées la première fois au siège de la Motte. Ces bombes incendiaires, c'était du tir court, c'était du tir de mortier. On mettait de la poudre dans le fond du mortier, on allumait des mèches soufrées, on envoyait ça arrivait sur les maisons, ça allumait des incendies. Et les incendies, pour les éteindre, il fallait de l'eau. Et l'eau à la Motte, il n'y en avait que dans les citernes. Alors évidemment, c'était toute l'eau des citernes passait pour éteindre les incendies. Il y en a un peu partout, les citernes. On en voit, enfin, on en voit encore une, mais il faut qu'on aille voir ça. Là. On va prendre la première voie à droite. Là. Le soleil avait régné le long du mois de mai jusqu'à la fin du mois de juin, avec tant de force et d'ardeur que l'eau commençait à nous être rare. Car nos citernes, ayant déjà été en partie épuisées pour munir d'eau nos greniers et nos chambres hautes contre les feux dont on nous attaquait, ces excessives chaleurs achevèrent de les rendre si sèches et si arides qu'il ne restait plus que le puits seul qui put fournir de l'eau suffisamment pour abreuver le bétail et subvenir aux autres nécessités du ménage. Bon, alors ça, c'est donc une citerne qui est encore à peu près en état. Il y a même de l'eau dedans encore. Hein. Il y a souvent des oiseaux qui viennent boire. Une petite voûte en ogive. Oui, la voûte est encore en état, oui. Puis on va aller voir plus loin, c'est là qu'il y a le puits. Nous avions bien une fontaine dans nos fossés, mais elle commençait à être gardée de si près par nos ennemis que son eau ne nous pouvait être vendue qu'au prix de notre sang. Alors donc, ça ça fait peut-être 5-6 mètres de profondeur, mais il n'y a pas d'eau. C'est sans doute un des vestiges les mieux conservés de la ville. Oui. Ça a l'air assez profond aussi. Ça a l'air assez profond, oui. On va remettre les rondins peut-être, oui. Pour que personne ne tombe dedans. Commencez par moi. Bon, on va donc remonter d'où on vient, on va passer vers le monument. C'est 8 heures, j'avais dit à mon épouse que j'en serais 8 heures. C'était donc ce puits où, comme dans celui des îles Fortunées, les habitants venaient pendant les sécheresses puiser leur vie. Il fournit abondamment toute la ville pendant quelques temps, mais les chaleurs s'augmentant, les sources commencèrent à se dessécher et l'eau à se troubler, en sorte qu'on fut contraint d'apporter un grand soin à ménager le peu qui restait. En fait, il y a deux façons de prendre la ville. La plus simple, c'est de corrompre quelqu'un qui vous ouvrira les portes. Ça, c'est la méthode la plus efficace, la plus ancienne de tout temps. Et la moins violente. Et la moins violente, peut-être. L'autre méthode, évidemment, c'est le siège militaire à proprement parler, où on entre en action. Et pour ça, il faut créer la brèche. C'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on appelle la mine, on va miner, on va creuser. Saper. Créer donc une poche de mine qu'on va bourrer de poudre. On va mettre un bouchon, on va appeler ça comme ça, de façon que l'effet de souffle parte vers le haut, évidemment, pour éviter des accidents, mais à la Motte, il y aura des accidents comme ça, pour faire tomber une partie du mur, du bastion, et que l'infanterie entre dans le bastion. Et c'est un moment à la fois tactique, militaire, et aussi symbolique, c'est-à-dire qu'on prend le bastion, et c'est un moment où si les défenseurs n'ont plus vraiment de moyens de se défendre, pour en parler, ils pourront appeler à une reddition. Alors là, on va arriver, c'est le premier bastion, le bastion Sainte-Barbe qui est là. On ne voit pas, on va voir quand on va arriver auprès. Oui, il faut quand même faire des efforts d'imagination, parce que là, on est dans un chemin en forêt. Il n'y a pas grand-chose qui nous indique qu'il y avait une ville ici. Non. C'est l'histoire qu'on raconte, c'est tout, il faut imaginer. Votre temps à débroussailler alors? Ah non. Non, non, je vais me faire rouspéter par mon épouse. Je me suis déjà fait rouspéter. J'étais tout le temps à la Motte. Non. Je débroussaille quand il y a du monde qui doit venir. On va arriver au bastion Saint-Nicolas. Alors voilà donc le bastion Saint-Nicolas. C'est celui qui a été attaqué lors du premier siège de la ville. Là, ça fait des restes quand même significatifs. Ça, oui. Alors, c'est de la pierre et un peu de briques. Oui, alors il y avait une galerie à l'intérieur, c'était une galerie d'écoute. Une galerie d'écoute. C'est-à-dire? Ben, les soldats de la ville écoutaient, parce que les Français, ils venaient jusque par ici, et c'était pour savoir si les Français étaient là. Le siège a commencé le 6 mars 1634. Les Français sont donc arrivés, ils étaient commandés par le maréchal Caumont de la Force. et ils étaient 3000 hommes. Alors que dans la ville, il y avait donc un gouverneur qui s'appelait Monsieur Dich, et lui, il avait 300 militaires à son service. Alors comme l'attaque devait se faire de ce côté-ci, le Monsieur Dich a dit dans les deux premiers bastions de chaque côté, puisqu'il y avait quatre bastions de chaque côté, dans les deux premiers bastions, ce sera donc des militaires de la ville, les deux bastions suivants, ce sera des bourgeois, les habitants de la ville, et les derniers bastions, ce sera des ecclésiastiques. C'était comme ça. Alors donc, les Français étaient donc en dessous, et les Français, s'ils se déplaçaient en terrain nu, c'était des belles cibles pour les soldats de la Motte. Oui. Alors il fallait faire ce qu'on appelait à l'époque des lignes de circonvallation ou des tranchées. Pour faire les tranchées, le maréchal commande la force, envoyer des ordres de réquisition dans les villages jusqu'à Langres pour avoir des hommes avec une pelle et une pioche pour creuser les tranchées, pour que les soldats français ne soient plus au vu des soldats de la Motte. Qu'est-ce que les Français obtiennent au bout de 4 mois de siège en 1634, l'Ange à la Berre? Et pourquoi remettent-ils le siège devant la Motte à l'hiver 1645? Alors 1634, tout simplement, ils obtiennent la ville. Qu'ils ne rasent pas, de fait, parce qu'ils reviendront, ils obtiennent la ville. Il y a eu une reddition, pour dire les choses simplement. Il est légitime et normal, parce qu'on est fidèle à son prince, ici Charles Quint de Lorraine, de résister. Se rendre trop vite, c'est le déshonneur. Et au bout d'un moment, c'est admissible. Voilà, au bout d'un moment, c'est admissible. Ça permet aux défenseurs de montrer leur honneur, leur bravoure. Ça permet aux assiégeants, là les Français, de montrer qu'eux aussi savent très bien faire et que l'honneur du roi en même temps est sauf, parce que ses troupes se sont bien battues. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil des soldats et des populations civiles? Ah ben justement, c'est-à-dire que là, comme c'est dans l'honneur que tout se fait, on négocie un pacte en quelque sorte, hein, on négocie la reddition. Et là, c'est un acte où vous avez des clauses, où l'on parle de la population, de la garnison, dans quelles conditions elle peut sortir. Et là, par exemple, vous avez la garnison qui peut sortir avec armes et bagages, mèche allumée, c'est l'honneur. S'en vont, tout simplement. La population, là, elle reste sur place. Elle est libre. Il n'y a pas de déprédation, il n'y a pas de massacre, etc. Mais elle a souffert, quand même. Elle a souffert. Mais ça n'a pas été assez long pour que la population souffre de la faim, vraiment. En 1634. En 1634. En 1645, c'est autre chose. Fabrice Fontaine, la rue principale de la Motte, c'est un long terrain herbu, bordé d'arbres, comme le reste de la ville. Est-ce qu'on peut faire l'effort de se représenter à quoi ça pouvait ressembler il y a 4 siècles et demi? Là où sont les arbres actuellement, il faudrait imaginer des hôtels particuliers 16e siècle. On est sur la rue principale, hein, la rue qui amène au château, qui également passe à proximité des halles, hein, ce lieu de commerce en bois, où on allait afficher par exemple les décisions fiscales, où on allait afficher également le prix des marchandises pour les échanges commerciaux de la ville. Il faut imaginer un pavage au sol, alors qui est plus visible sur d'autres portions. Ici, on a surtout de la terre et de l'herbe. On sait aussi qu'on était dans une rue, parce que quand on regarde sur les côtés, on en avait un exemple dans notre dos, on est passé, on retrouve des trous dans le sol. Alors selon les cas, hein, ces trous dans le sol, on va deviner que ce sont des caves, ça peut être éventuellement des citernes privatives. Il faut savoir également que cette rue-là, on sait qu'on y trouvait les élites de la ville. Et c'était des bâtiments vastes et élevés? Il faut imaginer, je vous dis, la forme de petit hôtel particulier, ça pouvait être sur, on compte en rez-de-chaussée, aller 2 à 3 étages, c'est selon. Les jardins des bourgeois étaient disséminés sur les flancs de la montagne, au sud-est surtout, dans la contrée du Plessis. Les foires, dont la principale avait lieu le jour de Saint-Hilaire, se tenaient en dehors des murs, entre la ville et Fréau. Un chêne souvent frappé par le tonnerre et par suite très écourté, mais aux rameaux immenses, en marquait le point central. La maladière, ou léproserie, était aussi au midi de la ville, sur un clos de 7 à 8 journaux. Le lieu d'exécution des criminels était aux Fourches, petite éminence à égale distance de Soulaucourt et de la Motte. C'est aujourd'hui la contrée appelée le Terme. La halle, déjà existante en 1329, s'ouvrait sur la place de la Citerne. Hector Vouillemin, mailleur de la ville en 1600, avait sa maison proche la halle et les usuaires d'Ilec. Les maisons Plumerelle, Touvenel, Colin de Barre, Humbert Aubry, Simon Regnault, Nicolas Houdin, ancien prévôt, étaient dans la grande rue, entre les deux portes. La maison Génin, voisine du portail de l'église, était la première d'une ligne étroite de bâtiments qui s'ouvrait à la fois sur la rue communiquant de l'église au château et sur le chemin de ronde des boulevards de Vaudémont et de Saint-Georges. La grange des Dîmes, où les chanoines resserraient les nombreuses redevances auxquelles ils avaient droit, était au nord de l'église la plus rapprochée du bastion de Vaudémont. La taverne de Michel Bazard avait son enseigne dans la rue de la Citerne, au-dessous du four banal. Didier Corcotte demeurait rue de Vaucugnot. Jean Millot, Jacques Voirin, rue des Lombards. Qu'est-ce que vous avez vu ? La presse des bois. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Un beau vol de papillons aussi. Oui. Et on arrive où ? J'ai mis la porte. Sur la place arrière de la collégiale, au niveau de l'abside. Parce que l'entrée de la collégiale se trouvait de l'autre côté, sur la rue des Lombards, la rue des Banquiers. Donc là, c'était l'abside de la collégiale, dont on peut encore apercevoir des éléments de muraille, et si on s'approche, quelques éléments de la crypte. Vestiges de la crypte, autrefois on pouvait encore descendre dans des parties qui étaient accessibles de la crypte. Vous voyez qu'aujourd'hui, ces endroits sont complètement comblés. Oui. Par la terre et la végétation. Il affleure vraiment une petite hauteur de muret. Oui. Alors, c'était une église collégiale parce que il y avait des chanoines. Je suppose que c'était un grand édifice. Le cimetière de la ville se trouvait à gauche. Et il y avait aussi là-bas, parce que comme c'était, il y avait des chanoines, il y avait aussi un cloître. Alors je vais vous raconter ici le deuxième siège où qui n'en était pas, c'était un blocus. En 1642, la Motte est donc rendue au duc de Lorraine. Le duc de Lorraine reprend donc sa ville et il en profite pour nommer un nouveau gouverneur, monsieur de Clicquot. Je ne sais pas si c'était le Champagne, monsieur de Clicquot. Et il lui dit, il faudra refaire les provisions et il faudra réparer les fortifications. Alors, monsieur de Clicquot, pour faire les provisions, il envoyait ses soldats de la ville chez les paysans, dans les villages. Alors, à l'époque, seule la Motte était redevenue Lorraine, les villages étaient déjà acquis à la France. Et dans ces villages acquis à la France, il y avait donc des personnes qui étaient lorrains de cœur, et on les appelait des partisans. Quand les Français ont vu ça, que les soldats de la Motte allaient faire des réquisitions chez les paysans, Richelieu a dit, je vais envoyer des troupes, pour empêcher les soldats de la Motte de sortir, d'aller faire leur réquisition. Ce n'était pas donc un siège, c'était un blocus. Et le troisième siège, qui a eu lieu de décembre 1644 à juillet 1645. Et c'est au troisième siège que la ville a été détruite. Ça devait être un peu lassant pour les habitants, Robert Chevalier, oui, toutes ces misères et persécutions. Ils allaient même faire des prières à... près de Nancy, là où est la basilique Saint-Nicolas-de-Port. Saint-Nicolas-de-Port, voilà. Elle existait du temps de la mort, cette basilique-là. Là, la population est soumise à des vraies privations, l'Ange à la Berre. Et c'est un déluge de bombes aussi qui lui tombe. Oui, sur alors la tête. Beaucoup de maisons sont détruites, hein, de toute façon, il y a l'incendie, il y a la destruction, parce que c'est un siège qui va occasionner beaucoup de pertes quand même. Alors après, sur les chiffres des pertes, on n'est jamais tout à fait sûr, hein, on est à plusieurs centaines de morts, et puis de façon de part et d'autre. La ville attendait un secours de Charles IV. Et il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce qu'il n'a pas pu, hein. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu, hein. Enfin, j'en suppose. Donc ils ont tenu jusqu'au bout. Et puis, il arrive un moment, ils ont fait sauter le bastion Saint-Nicolas, pour la deuxième fois, puisqu'il avait déjà sauté au premier siège. Et après, il rentrait dans la ville comme si c'était une porte ouverte. On dit qu'on pouvait monter la brèche à cheval. Vous imaginez ? Et là, François d'Épinal, le siège n'est plus tenable. Mmh. Il va y avoir des négociations assez courtes. Ça a été très vite. Et qui y participe et qui alors, signe la reddition de la ville ? Alors. C'est les officiers de la garnison qui signent la capitulation accompagnée de bourgeois. Et il doit y avoir 7 ou 8 signatures sur la capitulation de la ville. Et puis les gens sont censés, dans la capitulation, rester sur place. Et la ville est censée continuer à vivre. Et ça se passe toujours comme ça jusqu'à présent. Il y a déjà eu ça une fois, et c'est la deuxième fois. Donc la deuxième fois, il pense que ça va être comme la première. A été accordé que tous actes d'hostilité commis de part et d'autre, devant et pendant le siège, de quelle nature qu'ils puissent être, et par quelle personne que ce puisse être, soit ecclésiastique, soldat, bourgeois ou autre, demeureront pour éteints, sans qu'ils en puissent être recherchés directement ou indirectement. Que tous les officiers et soldats qui sont dans la place, de quelle qualité, condition et nature qu'ils soient, sortiront de la ville, leur vie sauve, avec liberté, armes et bagages, la mèche allumée, balle en bouche, enseigne déployée, tambour battant, avec deux pièces de canon et de quoi tirer 10 coups de chacun. Que tous les prisonniers détenus de part et d'autre, sans aucune exception, pour quel cas et prétexte que ce soit, seront rendus de bonne foi, sans payer aucune rançon. Que les bourgeois de la dite ville de La Motte demeureront à leur volonté dans la ville ou ailleurs, où bon leur semblera, et seront conservés en leur vie, libertés et biens, dans quel lieu qu'ils puissent être situés, comme anciennement, sans qu'il soit fait aucun tort à leur personne, femmes, enfants et familles, non plus qu'à leurs biens, meubles et immeubles, desquels ils pourront disposer à leur volonté. Et ils jouiront de tous les privilèges, franchises et droits à eux concédés. Fait à La Motte, le dernier jour de juin 1645. Les termes du traité de 1645 sur le sort de La Motte sont assez proches de celui de 11 ans auparavant. Mmh. Seulement... Alors, c'est là qu'on peut avoir des interprétations divergentes, parce qu'on sait que la reddition définie, c'est le 7 juillet. Le 5, semble-t-il, on commence à réquisitionner des paysans, donc dans les alentours, jusqu'à assez loin d'ailleurs, plusieurs milliers d'hommes. Alors c'est là qu'on a le sentiment que vous avez une promesse qui est faite de ne pas... mettre à bas la ville, mais concrètement, c'est ce qui va se passer quand même. Alors pourquoi, vraisemblablement, de toute façon, vous avez Richelieu, alors, qui a la réputation d'être celui qui a dressé des listes entières de châteaux à détruire en Lorraine. Là, c'est Mazarin qui est aux commandes. Oui, mais Richelieu a disparu il n'y a pas très longtemps. Hein. Vous avez donc l'idée qu'il faut définitivement raser cette épine ou ce poil à gratter lorrain. C'est tout de même pas très correct, Laurent Jalabert. D'anéantir cette ville alors que on a cessé le siège en signant un texte qui dit que la ville restera. Oui, ce n'est pas très correct. C'est la ville qui est punie, mais on punit aussi son duc, qui a été parjure plus d'une fois. Il y a un message aussi qui est donné, c'est-à-dire que le parjure... C'est une punition sévère, une humiliation. Oui. C'est l'humiliation suprême. Le roi châtie. Le roi est bon, c'est un roi de justice, il châtie... Mais là, il n'a pas fait passer par les armes les habitants, si vous voulez. Mais l'acte d'insoumission ou l'acte de félonie ne reste pas impuni. Il y a un message très clair qui est donné pour ça. Le sort en était réglé avant de signer la capitulation. Hein ? Les gens qui étaient là pour faire le siège de la ville savaient que c'était pour la détruire. Côté français, c'était prévu. En fait, la décision est prise par Richelieu. Richelieu a dû passer la consigne à Mazarin en lui disant « Si un jour tu prends la ville, tu fous tout par terre. » Ils en avaient assez du caractère de Charles IV, déjà, et puis de la capacité de résistance des Lorrains qui les embêtaient depuis un bout de temps. Il y avait un dicton, un slogan qui avait cours à La Motte, qui était le suivant, très simple, « La Motte vivra tant que la terre tournera ». Ils n'étaient pas un peu trop sûrs d'eux, les Mottois, François d'Épinal? Ils avaient une bonne ville, ils le savaient. Hein, tout le monde disait que c'était la meilleure place forte de Lorraine, donc ils pensaient que c'était vrai. Ils y ont cru, mais preuve qu'ils avaient tort. Nous frémissons à la seule pensée des faits que nous allons rappeler. Le 7 juillet, M. de Villeroy prend possession de la place. Mais la légitime espérance que les bourgeois avaient de demeurer en repos dans leurs habitations après tant de fatigue fut de peu de durée. 2 ou 3 jours après la reddition de la ville, Villeroy fit connaître un ordre du roi qui commandait de ruiner et de démolir non seulement les fortifications de la place, mais même les églises et toutes les maisons. Ce qu'il y a de plus cruel dans cet ordre barbare, et nos historiens n'ont peut-être pas osé le dire, c'est que ce furent les Lorrains, nos pères, que l'on força, en plein XVIIe siècle, à commettre cet acte inique de destruction que rien ne pourra jamais justifier. À la première nouvelle des malheureux desseins de la cour de France, M. Dubois de Riocourt, envoyé par les siens, était allé en toute hâte à Paris, se jeter aux pieds de la reine et de son puissant ministre, le cardinal Viceroy. Ses supplications, ses larmes ne purent rien obtenir. On eut même l'air de se moquer de lui en lui disant « Allez, tout est fait ». Oui, avant qu'il fût de retour, l'acte odieux se consommait et sa patrie n'était plus. Les gars, ils s'embêtaient pas. Hein. Ils sont venus avec leur brouette, ils balançaient tout dans le trou. Quoi, hein. Jusqu'à ce que ça fasse un tas de cailloux. C'était ça la règle. Ils ont mis 1200 personnes pour détruire la ville entre le mois de juillet et le mois de septembre 1645. Pas longtemps, hein. 1200 personnes qu'ils ont récupérées dans le coin, dont les gens de la ville, obligés de détruire leur maison. Leur propre ville. Et la méthode, c'était... On met tout de niveau. C'est pas très compliqué, hein. Des pioches, des coins. Une pierre comme ça, vous enfilez un coin au joint, vous la levez, vous la balancez avec une barre à mine, ça y est, elle est tombée. Ça prend pas longtemps. Pour vous donner une idée, Dubois de Riocourt a été envoyé à la cour de France pour défendre la cause de la ville. Et quand il est revenu, son hôtel particulier, ils avaient attaqué par là. En premier ? Ben, pas en premier, non, parce que l'an premier, on a détruit les bâtiments publics, donc le château. Mais aussitôt après, on a attaqué le château, l'hôtel de Dubois de Riocourt. Quand il arrivait, il n'y avait plus rien. Et est-ce que c'est vrai, Gilles Laporte, que pour empêcher tout retour, on aurait empoisonné les puits avec du mercure ? Ben, c'est ce qui se dit, que l'armée française aurait empoisonné toutes les sources au mercure pour interdire tout espoir de retour de quelque population, quelle qu'elle soit. Oui, c'est ce qui se dit. Alors, je ne sais pas si on pourrait vérifier. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre de pratique ? Non. Ah, mais non. Ça signe une volonté très ferme. Mais je crois que c'est le seul exemple en Europe d'une ville de cette importance qui était rayée de la carte. Il n'y a jamais eu de tentative de reconstruction de cette ville ? Non. Laurent Jalabert ? Non, parce qu'en fait, il faut bien avoir une chose, c'est que destruction 1645, très rapide. Hein. Le dernier baptême, parce qu'il y a un dernier baptême qui est acté le 19 juillet, donc on va dire qu'il y a encore l'église, et en septembre c'est fini. Il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. C'est en grande partie démantelé. Il semblerait qu'un siècle plus tard, le plan de la ville est encore parfaitement lisible, malgré la repousse de la végétation. Alors aujourd'hui, c'est de la forêt, mais ça sera enraisiné qu'au XIXe siècle, je crois, sous le Second Empire. On adorait planter des sapins sous le Second Empire. Comme dans les Landes. Alors, le plan est lisible. Et de toute façon, la topographie aussi a permis de maintenir la lisibilité. Parce que quand on arrase... On ne va pas chercher les fondations. Donc, vous avez toutes les surélévations, etc. On les voit encore maintenant. Évidemment, il n'y a plus rien de monumental. C'est-à-dire, vous n'aurez plus les belles portes comme il pouvait y en avoir. On peut deviner les fossés, voilà, des choses comme ça. Il y a deux époques où on raconte l'histoire de la Motte, Laurent Jalabert. Il y a le texte de Nicolas Dubois de Riocourt qui vient quelques petites années après la destruction de la ville. C'est quasiment un reportage. Et puis, il y a un regain d'intérêt au XIXe siècle. On a la chance de bénéficier, effectivement, d'un témoignage Nicolas Dubois de Riocourt, qui était lieutenant général du Duc, et donc, en fait, qui était représentant, tout simplement, ce qu'on appelle le pouvoir central, et qui a vécu, notamment, c'est un témoin oculaire, il a vécu les choses. C'est ce dont rêvent tous les historiens. Alors, évidemment, c'est une source, un document, un reportage d'époque, quasiment, et qui ne sera jamais édité. À ce moment-là, il n'y a pas d'écho. Là aussi, on peut toujours s'interroger sur la non-édition. Alors, non-édition, parce que simplement aussi, déjà, les Français occupent encore les duchés, déjà, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Voilà. Évidemment, on ne va pas laisser apparaître des choses qui pourraient aller... C'est genre de publicité. Voilà, vraisemblablement. On ne veut surtout pas froisser la France. Donc, pas d'histoire, on n'imprime pas n'importe quoi. En revanche, au XIXe siècle, c'est différent. Alors, on a pu parler du courant, du mouvement lotharingiste. Alors, attention, hein, on n'est pas dans un mouvement autonomiste ou je ne sais trop quoi. Mais on est dans ce siècle d'histoire où on souhaite, comme... D'ailleurs, le prouvent beaucoup de sociétés d'histoire locale qui naissent au XIXe siècle. Et ces récits sur la Motte, ça ressurgit à ce moment-là. En tout cas, on apprécie à cette époque l'excursion à la Motte. On l'apprécie, et d'autant plus que ça fait partie dans des villes d'eau, comme vous avez Plombières, hein, des villes à la mode, parce qu'il y a la voie ferrée après, donc à l'époque de Napoléon III. Hein, ça fait partie des excursions, on va à la Motte. C'est un objectif pour une certaine élite sociale d'une pérégrination, lorsqu'on va prendre les eaux dans les Vosges, par exemple. Alors c'est donc la rue qui mène au château. Je vais vous montrer le seuil d'entrée au château. On voit encore les pierres et on voit aussi l'emplacement des roues de chariot qui rentraient au château. C'est très concret. Hein. On passe sur un pont. Voilà. Alors voilà donc le seuil, hein, le seuil du château. Il y a une pierre qui se trouve ici. Le seuil, il y a la même pierre de l'autre côté. Et on voit donc les roues de chariot qui rentraient au château. Ah oui, c'est usé et tassé. Voilà. Alors bien sûr, quand la ville a été détruite, les pierres sont parties dans les villages. Il y a eu un édit qui disait que les personnes des villages pouvaient venir chercher des pierres. Et quand on se promène dans certains villages, on voit des linteaux de fenêtres et de portes qui sont jolis. Et ça vient de la Motte. On a réemployé tout ça de façon pragmatique. Voilà, oui. Alors voilà donc le monument. C'est un monument commémoratif. Ça a été fait en 1896. Il y a diverses choses. Il y a des inscriptions en latin. De ce côté-ci, c'est Ibis Puniantium Oxicerum Cineres. Ce qui veut dire ? Ici reposent les cendres des combattants. Vous allez voir, on va faire le tour. Alors là, il y avait aussi une plaque qui a été cassée elle n'a pas été refaite. C'est une plaque qui a été faite par un monsieur de Nijon, qui était maire de Nijon, monsieur Alcide Marot. C'est un cousin du côté de mes grands-parents. C'était un poète, Alcide Marot. C'était un poète, oui. Qui donc la disait morte, en son linceul de gloire, elle s'est réveillée à l'appel de l'histoire. Voilà, Alcide Marot. Puis de ce côté-là, c'est mis aussi à des écrits. Gloria victis, gloire au vaincu. Alors il y a la date des trois sièges, là, de ce côté-là. Et à la croix de Lorraine, et la date du monument. Souscription publique, 1896. Voilà. Donc c'est écrit, ici fut la Motte, Gloria victis, 1634, 1642, 1645. Puis la croix de Lorraine, hein, bien sûr. Alors on va aller plutôt à gauche, là. Hein. Alors là, c'est encore un bastion, c'est le bastion Saint-Georges qui est là. Hein. Alors on va donc descendre sur la passerelle et on va s'arrêter. C'est la porte souterraine. Quand la ville a été construite, on entrait dans la ville par cette porte-là. Mélancolie du lieu, l'enfouissement progressif des vestiges a quelque chose de touchant. Oui. Même si c'est une perte. Oui, de très touchant. On assiste là, au quotidien et grandeur nature, au recouvrement des vestiges de l'histoire par la nature, qui reprend ses droits. On entend les oiseaux qui chantent autour de nous, là. Cette colline, ce site de la Motte, retrouve son origine des 7e, 8e, 9e siècle. Elle retrouve sa paix primordiale. Mais concernant l'histoire de la Lorraine, c'est un grand dommage quand même. Est-ce que vous vous souvenez de la compagnie dans laquelle vous étiez et des impressions que le site vous a fait la première fois ? J'étais seul, je suis arrivé là, le nez en l'air. J'avais les mains dans les poches et dans la tête ce que j'avais lu sur le site de la Motte. Et j'ai ressenti ici des vibrations curieuses, une sorte de vague d'onde tellurique qui me gagnait. Et puis j'ai eu vraiment l'impression de respirer l'air de celles et ceux qui, à cette époque-là, se sont battus pour et sont morts pour maintenir cette cité en vie. Nous marchons là sur des cadavres. C'est un immense sanctuaire. Ce site de la Motte, c'est un cimetière. Donc c'est un lieu un peu à l'image des villages détruits de la Première Guerre mondiale. Le village de Fleury, par exemple, où on ne peut se déplacer qu'en se taisant et en respectant les tragédies et les douleurs qui ont été vécues dans ces endroits-là. C'est dans la Meuse, ça fait partie des quelques villages qui ont été détruits et dont on a décidé qu'ils ne seraient plus jamais habités. Oui, mais qu'ils existeraient toujours, ils ont tous encore un maire. Et le statut de commune. Et le statut de commune, alors qu'ils ne sont plus peuplés. Et j'aimerais bien que ce site puisse un jour accéder à ce genre de statut. Oui, la ville de La Motte, qu'elle existe encore, qu'il y ait un maire, un conseil municipal, même s'il n'y a plus un seul habitant, hormis les renards et les oiseaux. Mais bon, c'est un site qui n'est pas suffisamment respecté aujourd'hui, mais c'est un site que l'on sent tout de même, que en tout cas j'ai senti dès la première heure, un peu protégé par qui, j'en sais rien. Peut-être par les mânes des motoises et des motois qui circulent encore là aujourd'hui. Avec Robert Chevalier, guide bénévole, Gilles Laporte, écrivain, François Dépinal, président de l'Association pour la Motte, Fabrice Fontaine, historien, Laurent Jalabert, historien, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Texte d'Achille-Pierre Liébeau, de Nicolas Dubois de Riocourt et de Jules Marchal, lu par Hélène Losseur. Merci à Anthony Chamarande, Sylvain Scora, Philippe Martin, Jean-François Ruth, ainsi qu'aux archives départementales de la Meuse et de la Haute-Marne. Bibliographie sur franceculture.fr, avec un lien vers le site de l'Association pour la Motte. Attaché de production, Francesca Fossati, Céline Leclerc et Aurélie Marsay. Prise de son, Florent Layani. Mixage, Éric Boisset. Sigy, La Motte, 1258-1645. Marie-Laure Ciboulet, Olivier Chauvel. Voilà donc pour ce documentaire qui concluait notre série d'émissions à réécouter sur le site de France Culture ou à télécharger, consacrée à la guerre de 30 ans. Demain, une table ronde de fiction, la première de l'année. On parlera du film de Spike Lee, mais des romans aussi de Javier Cercas et de Stéphane Hertmans pour commencer cette année.